Opinion sans phare. Aujourd'hui avec Yugoslav Kiprianovic. L'ONG de Soros encourage la Serbie à rendre la vaccination obligatoire. Yugoslav Kiprianovic, père de 4 enfants, est le rédacteur de la page serbe du portail international Family News. Il écrit. Le porte-parole de Soros en Serbie, Milan Antonievic, de la fondation Open Society, fait pression pour la vaccination des enfants. Ayant été invité à TV Prova, il a récemment déclaré « L'État a le droit d'introduire des cours en ligne pour les personnes non vaccinées ». Ce militant des droits de l'homme ne se soucie pas de savoir si les enfants non vaccinés sont victimes de discrimination à l'école ou ailleurs. L'essentiel est de répéter les mantras de George Soros. Soros utilise d'innombrables organisations telles que la Cour européenne des droits de l'homme, les médias et les réseaux d'ONG, non seulement en Serbie, mais dans le monde entier, afin d'influencer les politiques pour faire passer le programme de vaccination. Voici une citation de Milan Antonievic. Tous les enfants doivent avoir le droit d'aller à l'école, mais l'État peut introduire des cours en ligne pour les personnes non vaccinées. Ce n'est pas une restriction, mais une mesure visant à prévenir la propagation de l'infection, tout en respectant les droits de l'homme. Il appartient à l'État de faciliter l'apprentissage en ligne et tout est juridiquement justifié. Yugoslav Kiprianovic poursuit. Monsieur Milan Antonievic défend l'idée que les enfants en bonne santé ne devraient pas avoir les mêmes droits à l'éducation, ni ne devraient bénéficier des mêmes conditions que les enfants vaccinés du même âge. Le site web de l'Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Serbie tient régulièrement à jour les informations concernant toutes les autorisations de mise sur le marché des médicaments, y compris les vaccins contre le COVID-19. Il a donné des informations sur le risque de myocardite et de péricardite, lesquelles sont une inflammation du muscle cardiaque ou du péricarde, faisant suite à l'administration du vaccin ARNm de Pfizer. Pour être clair, je n'ai rien contre la décision des adultes de se faire vacciner. À partir du moment où ils pensent ainsi être protégés et qu'ils auront une meilleure immunité, l'adulte assume lui-même le risque et il est responsable de ses actes et de ses décisions. Je n'ai rien non plus contre ceux qui ne veulent pas être vaccinés, c'est leur décision. Mais en ce qui concerne les enfants, la situation est différente. Il y a trop d'incohérences avec lesquelles je ne suis pas d'accord en tant que parent, responsable de mes enfants devant Dieu, ma famille, mes ancêtres et mes descendants. Je ne laisserai pas Soros me dire ce que je dois faire avec mes enfants. Et vous ? Und Sie ?